Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Papa la la la pam. Un petit coup de saxo. Ça ira mieux demain, ce générique mythique que l'on adore ici, tiré du dessin animé, hein, je vous le rappelle, d'un superbe dessin animé, adapté en série. Aujourd'hui, au menu, dans notre parloir, nous allons évoquer une série qui en est à sa deuxième saison, mais qui est quand même très très sympathique, un sujet que Laurent adore, des gens dans un avion, l'avion s'écrase sur une île... Et patatras, il se passe plein de choses. Ça vous rappelle des séries... Bonne émission ! ...que l'on adore. C'est vrai, il y a des retours en arrière, il y a des flashbacks. Voilà, mais ça marche plutôt pas mal. Et c'est donc Yellow Jackets, parce qu'en plus, il y a un peu d'horreur, un peu de... Voilà, mais je ne la survendrai pas. Je ne veux pas faire comme certains à vous survendre des séries. Yellow Jackets, donc c'est donc le... Et en plus, c'est des footballeuses qui se retrouvent sur une île déserte. Là, tu serais pas en train de me balancer un pélo, là? Pourquoi? Je ne serais pas celui qui survend une série comme font certains. Ben non, je te parle pas à toi, je te dis tous ceux qui nous ont survendu. Je pensais que tu pensais à Prométhée. Ah non. Ah non, moi, je suis toujours sur The Last of Us, à tous ceux qui nous ont survendu cette série. Non. The Last of Us, c'est quoi comme série? Je n'oserais pas. Nous découvrirons aussi quelques... Alors, c'est pareil. Maintenant, on n'ose plus. On n'ose plus dire un gros truc qui arrive. Mais il y a quand même une autre série qui arrive à la fin de semaine sur Netflix. Et la bande-annonce est plutôt sympa. Alors, on a tendance à vous passer des bandes-annonces qui donnent envie. Celle-là donne aussi envie. Après, je vous demanderai d'aller la voir sur le site qu'on va finir par le mettre depuis le temps qu'il me demande de mettre des liens. Donc, il faut absolument que je vous mette cette bande-annonce-là. Alors, c'est là qu'on voit que tu vas sur le site. J'ai déjà mis des bandes-annonces. C'est bien. Non, mais pas celle-là, puisque je ne te l'ai pas envoyée. Ah bah non, mais je vais commencer. C'est commencé. D'accord. Donc, cette série, c'est The Night Agent. Voilà, un petit peu de mystère, un agent secret. Dans la nuit. Et ça arrive sur Netflix. Et ça donne envie. Voilà, donc on découvrira ça dans Le Palais. On commence en musique, comme d'habitude. Et cette fois-ci, je vous propose de découvrir le nouveau single. Encore ? Oui, un nouveau single, ça s'appelle Pays des Merveilles, et c'est le nouveau single de, je ne sais plus comment il s'appelle, Christophe Maé. Voilà, j'avais oublié son nom. Ah oui, Christophe Maé. Je confondais, oh là là, catastrophe, okay. Je confondais avec Willem. Ah non, Christophe Willem, non, oui. C'est Christophe. Non, là, Christophe. On est Maé. Maé. Ah oui. Maé. Ouais, c'est pas trop ma tasse de thé. Je peux aller... Tu peux vaquer à tes occupations si tu veux. Voici Christophe Maé, Pays des Merveilles, tiré d'un album qui va aussi sortir dans pas longtemps et une tournée qui va suivre. Bon, créons un monde pareil. J'ai des amis à des caries. Oui, je dors, c'est d'aller. Vivez les mondes, c'est mal. J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Allons prendre l'air. Allons sous le soleil, chérie. Allons prendre un verre. Ouais, la vie c'est comme un cocktail, chérie. Sucré, amer. Buvons la vie à la bouteille, chérie. Allons prendre l'air. Du côté du Cap Vert, du côté du Cap Horn, à écouter la mer, à écouter la monde. Y a des voix là-bas qui voyagent, chérie. Mets de l'amour dans tes bagages. Bon, créons un monde pareil. Vivez nesse mundo sem maldade. Bom, criamos um mundo paraíso. Césaria sous le soleil, chérie. Au petit pays, aux couleurs de Brasa, Brasero Brasil, les fardos, les playas, un peu Brazzaville. Il y a des voix ici qui voyagent, chérie, et de l'amour dans leur langage. Direction Showtime via Canal+, pour la découverte de la semaine ou la redécouverte pour celles et ceux qui attendent l'arrivée de la deuxième saison en ce printemps 2023. Yellow Jackets, carton historique pour Showtime lors de sa diffusion outre-Atlantique en 2021, a ensuite fait les belles soirées de Canal+ l'année dernière. Si les Américains ont dû attendre 2 ans avant de découvrir la suite, il n'en sera donc pas de même pour les Français. Cette série Yellow Jackets, créée et produite par Ashley Lyle et Bart Nickerson, peu connue dans le milieu, fait parler d'elle aujourd'hui. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai appris que leur avion avait disparu. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas ? Tout ce que je sais, c'est que ce qui est arrivé était une tragédie. Mais ces filles-là étaient à part. C'était des championnes. La qualité pour le putain de tournoi national ! Je croyais que tout ce sexe, tout cet alcool, drogue et... Je croyais que si j'abusais de toutes ces choses-là, c'était à cause de ce qui s'était passé là-bas. De ce que j'avais vu. De ce que... Je l'avais fait. Oh. Salut, Misty. Espèce de sale pétasse. Ça fait un bail. Je pense que tu sais pourquoi je suis là. Ok, bon, je m'en vais. On s'était mis d'accord. On devait en raconter un minimum et éviter au maximum le feu des projecteurs. Mais la vérité, c'est que l'avion s'est écrasé. Plusieurs de mes amis sont morts. Et pour ceux d'entre nous qui ont survécu, on a crevé de faim et prié pendant 19 mois jusqu'à ce qu'ils finissent par nous retrouver. Je crois qu'on sait toutes les deux que c'est un peu plus compliqué que ça. Je me dis que ça va être sympa, reprendre contact avec de vieilles connaissances. Dans les années 90, une équipe lycéenne de football féminin se rendant à un match de championnat national, s'écrase en avion au beau milieu de la nature. Pour celles et ceux qui parviennent à s'extirper de l'appareil, le plus traumatique est à venir. Il faut maintenant survivre au beau milieu de nulle part. Et le groupe ne tarde pas à devoir prendre des décisions extrêmes pour sa sauvegarde. Des choix qui auront un impact jusqu'en 2021, alors qu'une nouvelle menace vient pourchasser les rares personnes ayant pu rentrer à la maison. Informant, you know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you, bum bum, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I like you, bum bum, damn. Informant, you know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you, bum bum, damn. Take the man that says, say that I'm a stormy, stab somebody down the lane. I like you, bum bum, damn. Peace out, I'm gonna come in, they blow down my door. Rain, you can pour through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point, I've reached my destination. Where the destination region out of East Detention. Where them look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer. Cette série est un véritable patchwork de ce qui existe en matière de séries. On pense à Souviens-toi, l'été dernier, Misery, mais aussi du best-seller littéraire Sa Majesté des Mouches. Pour celles et ceux qui ne s'en rappellent pas ou qui ne connaissent pas ce livre raconte l'histoire d'une bande de garçons anglais issus de la haute société qui s'écrase sur une île déserte. Livrés à eux-mêmes dans une nature sauvage et paradisiaque, les survivants tentent de s'organiser en reproduisant les schémas sociaux qui leur ont été inculqués. Mais le vernis va bientôt craquer et laisser peu à peu place à une organisation tribale, sauvage et violente. Des offrandes sacrificielles, des chasses à l'homme, des guerres sanglantes, bref, l'homme revenu à l'état sauvage. Je ne peux omettre aussi l'allusion à la série mythique des années 2000, Lost, bien évidemment. Mais alors que l'on pourrait craindre que ce mélange des genres donne un résultat plutôt catastrophique, le résultat est plaisant à regarder et on se laisse facilement gagner par les aventures de ces sportives pas comme les autres. Nous allons donc suivre leurs aventures dans les années 90 sur l'île, seuls face à leur destin et à des ennemis pour le moins étranges. Mais aussi, 20 ans plus tard, dans leur vie à leur retour. Bien évidemment, leur passage sur l'île aura d'énormes répercussions sur leur vie d'aujourd'hui. Et les menaces de l'île se retrouveront 20 ans plus tard. La série donc alterne entre ces deux périodes. Et même si, vous le savez, depuis le temps, je ne suis pas fan des séries qui usent des flashbacks, je dois bien dire que dans Yellow Jackets, les duos d'acteurs fonctionnent parfaitement et nous aident dans ce passage aux deux périodes. Je dis duo car comme les footballeuses étaient ados dans les années 90, les actrices ne sont pas les mêmes dans les deux périodes. ce qui n'était pas le cas pour Lost, pour ne citer que cette série. Les duos Melanie Linsky-Sophie Nellis et Christina Ricci-Sami Hendrati, notamment, font des étincelles. Les amateurs d'émotions fortes en auront pour leurs yeux, car le sang ne manquera pas de couler à flot, si vous me permettez, et tout en réservant son lot de surprises et de retournements de situation tout au long des épisodes, ce qui est aussi un point fort dans ce drama. Hot-blooded woman, I have simply wanted an object to crave. But you're not alone, you're not invited, an unfortunate slide. Fait aussi partie de la réussite de la série, rythmant habilement l'ensemble d'épisode en épisode et nous faisant retrouver les tubes des années 90 notamment. Bon, il y a une petite réserve. Les épisodes dureront environ entre 50 et 60 minutes. On aurait pu en éviter un ou deux, car plus l'intrigue avance, malgré les rebondissements et la résolution de la plupart des interrogations, la série possède quelques longueurs. De 10 épisodes, on aurait facilement gagné en énergie à n'en faire que 8. D'autant plus qu'on peut s'inquiéter de la suite car après l'arrivée de la saison 2, le producteur a annoncé la mise en place imminente d'une troisième. En attendant, voilà ce qui nous attend dans la deuxième saison. Et rendez-vous donc sur Canal+, pour découvrir cette production Showtime et les aventures de cette équipe de football féminine hors du commun. Thank you. Et on retrouve notamment dans ces gros tubes des années 90 donc, que j'évoquais dans le reportage, cette magnifique chanson de Garbage que les fans du groupe auront eu plaisir à réécouter ce soir. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette série Yellow Jacket. Ce que je vous conseille de regarder, c'est un... Voilà, ça change un petit peu, ça fait un petit peu longtemps qu'on n'avait pas évoqué. Il y en a de temps en temps sur les plateformes, des séries comme ça, un peu où on voyage sur des îles. Je vous en avais parlé d'une il y a quelques années déjà, de cela. Voilà, ça fonctionne plutôt bien et donc à découvrir grâce à Canal+. Tout de suite, nous allons maintenant passer à notre palais pour changer de décor et changer d'ambiance. Bienvenue au palais. On change d'ambiance et là, c'est plutôt du côté de la Maison Blanche que l'on va aller avec cette nouveauté de Netflix qui arrive la semaine prochaine. Et ben justement, tiens, le jour de la grève, le 23 mars prochain, vous pourrez découvrir cette nouvelle série de Netflix qui s'intitule The Night Agent, que l'on pourrait traduire par l'agent de nuit. Parce que c'est un peu son boulot à cet agent de nuit. Je vous propose d'écouter la bande-annonce et on en parle tout de suite après. Le service de sécurité des États-Unis est la première agence de maintien de l'ordre de notre pays. Madame, vous voulez vous asseoir ? Nous avons une mission zéro faux pas à assurer. Ce qui veut dire que nous n'attendons de vous rien de moins que la perfection. Agent du FBI, je veux que tout le monde descende du train tout de suite. Et maintenant, levez-vous pour votre prestation de serment. Bienvenue à la Maison Blanche, Peter. Vous avez déjà entendu parler d'Action de Nuit ? Action de Nuit est un service d'investigation top secret qui dépend du FBI. Donc vous voulez que je sois un agent de nuit ? Oh non, pardon. Je voudrais que vous vous occupiez des appels. Le téléphone ne sonne que très rarement. Oui, allez-y. Ils sont en danger, il y a des intrus. Qu'est-ce que je fais ? La police va arriver, d'accord ? On vient de perdre deux agents fédéraux. On soupçonne quelqu'un de la Maison Blanche d'être impliqué. C'est après moi qu'ils en ont maintenant, non ? Vite ! J'ai ordre de vous protéger au risque de ma vie. Moins vous en saurez, moins ce sera dangereux pour vous. Vous n'avez pas idée dans quoi vous avez mis les pieds. J'ai trouvé quelque chose. On parle plus d'une attaque terroriste, là, mais d'une tentative d'assassinat. Si ça se trouve, vous êtes dans le coup. T'es vraiment de mon côté ? Viens ! Je t'ai pas encore tout dit. C'est sympa, ton plan. Peter ! Mais si jamais ça tournait mal... foutu. Prends le volant ! Voilà une bande-annonce qui, je ne sais pas si tu es comme moi, mais rien qu'à l'entendre, elle donne un peu envie aussi. Hein. Et on se replonge un petit peu dans toutes les séries que l'on a adorées, notamment avec Kiefer Sutherland, ça me fait penser un peu à ça, à espérer un petit peu ce style d'ambiance où il jouait le rôle de Jack Bauer ou après, lorsqu'il était dans les bandes de la Maison Blanche. Eh bien, cette série The Night Agent, eh bien, c'est basé sur un livre du même nom qui est signé Matthew Kirk. Et donc, c'est quand même créé par quelqu'un de très connu. C'est créé par Sean Ryan, à qui l'on doit The Shield notamment, et la série qui passe toujours sur TF1 récemment. C'est SWAT, le fameux SWAT, que tu aimais bien. Je ne sais pas si tu... Au début, tu regardais, après, tu as un peu dû abandonner. C'est comme moi, non ? Enfin... Bah, le problème, ouais, c'est que nous, on met toujours 15 ans à regarder une série, voilà. Et à un moment donné, on a décroché, mais... Je garde toujours une affection pour cette série, pour l'acteur principal. Voilà, il y avait comme une ambiance aussi, équipe assez sympa, avec des tempéraments bien trempés et différents, et la sauce prenait bien. Et qui continue à cartonner aux États-Unis. Exactement. Alors voilà, cette bande-annonce que vous venez d'entendre, elle présente Peter Peter Sutherland, est joué par l'acteur Gabriel Basso, qui est un agent du FBI et qui va, à lui tout seul, sauver la vie de centaines de personnes lors d'un train, vous l'entendez, au début de la bande-annonce. Alors après cet acte héroïque, il va être accueilli à la Maison Blanche par Diane Farr, la chef du cabinet présidentiel, et qui va lui proposer un travail pour le moins surprenant quand on est agent du FBI, et bien gérer un petit standard téléphonique d'appel d'urgence en lui précisant bien que le téléphone il sonne quasiment jamais. Donc tu dis c'est sympa, on te propose un truc, tu attends d'un côté d'un téléphone qui ne sonne pas. Bon, après, vous êtes dans une série, donc là, vous n'y croyez pas une minute. Hein, dit, bon, elle aura à peine détourné les talons que le téléphone va sonner. Bah voilà, c'est sur Netflix, donc vous avez tout de suite trouvé. Le téléphone de ne va pas tarder à sonner. Et bien sûr, notre agent Peter va se retrouver à devoir protéger quelqu'un, une fameuse dame qui s'appelle Rose Darking. Et ça va partir de là pour aller vers dans plein de directions, puisqu'on soupçonne une conspiration à la Maison Blanche. Donc voilà la trame, le synopsis de cette série bien supportée par une très belle bande-annonce. Ça s'annonce être assez explosif, avec des cascades, des rebondissements et tout. Ça change, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ça sur Netflix, et donc ça peut être intéressant. J'aurai l'occasion, on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir. Ça sort jeudi, donc à découvrir dès jeudi sur Netflix. Cette semaine, il n'y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent dans les sorties. Pas mal de si vous n'avez pas vu la deuxième partie de You qui est sortie cette semaine, il y a pas mal de posts, les gens interagissent parce que ça bouge pas mal. Le final de You est assez surprenant, avec des personnages qui auraient plus ou moins disparu et vont-ils pouvoir revenir dans la saison 5. C'est un petit peu tout ce qu'on arrive à lire un petit peu sur la toile depuis l'arrivée de la deuxième partie. Je vous en dirai pas plus parce que moi je ne l'ai pas vu, je ne veux pas me spoiler moi-même. Mais voilà un peu l'actualité des plateformes actuellement. Et puis je vais pas revenir sur, on en a bien largement discuté avec Laurent cette semaine, c'était aussi bien sûr le final de The Last of Us et tout ce que l'on a pu débattre dessus. Eh bien écoutez, il est bientôt l'heure de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec Laurent à 18h, puis à 19h dans Ça ira mieux demain l'émission. Dans une demi-heure, le Hot 40, je vous y retrouve en forme. Passez un très très très bon week-end et puis à la semaine prochaine pour d'autres aventures séries. Bon week-end, bonne semaine à l'écoute des programmes de Fadjet. À vendredi. Bye.